T'écoutes Glenn Miller? Non. Non. Autour de cette table. Non, mais de la musique. Voilà. Après 1940. Voilà. Oui, non, voilà, ça peut être beaucoup de pop folk aussi. Ouais. Voilà. Et Linda? Le jazz. C'est vrai? Ah, ah, bah voilà. Moi, je suis une grande fan d'Ella Fitzgerald. Ah. D'accord. C'est là. Moi, jazz. Alors, on continue avec Marie. Alors, moi, pour tout vous dire. Oui. Mais il n'est pas de honte. Hein, ça, sent le, oui. Ça sent le Michel Thor et le Frédéric François. J'en appelle. J'aime France Gall, j'aime Daniel Balavoine. Je ne suis pas née dans mon temps, je crois. Des juges et des lois, ça ne me fait pas peur. Ouais. C'est mon fils, ma bataille. Voilà, mais j'aime aussi Aretha Franklin. Enfin, j'aime aussi des bons. Non, mais attends, il n'y a pas de honte à aimer la chanson française. Voilà. Moi, j'adore la chanson française. Merci, merci. Mais oui. Merci oui, de ton soutien. Et notamment France Gall. Voilà, voilà. Hein. Jess. Requins, pareil, super éclectique. Ça peut être du rap, du fado, mais de la folk, je pense, avant toute chose. Ouais. Et de la Motown, pourquoi pas. Et, alors, et alors, on n'a pas eu les goûts musicaux de Anne. Moi, je suis fan de Michael Jackson. Ah, ah. Ouais. Oui, mais on sent bien que t'es. Ouais. Ouais, t'es you. Et René Marc, toi, t'es fan de qui? Je rejoins un peu Linda. J'écoute énormément de jazz. Par oh, contre, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la mort de Claude Nougaro. Ah oui, ah, oui mon Dieu. J'ai vu tous ses concerts et tous ses spectacles. C'est un jazzman français, hein. Ah oui, Nougaro. Quelque sorte, hein. Oui, mais en même temps, c'est lié parce que jazz et Nougaro, ça va ensemble. Quoi. Ouais. Il est temps que vous montiez sur la scène d'On va se marrer pour un petit extrait. Hein. Vous ah avez... ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi pour le premier extrait? Alors, Sia, en fait, c'est une reprise de sa chanson Chandelier. Oui. Voilà. Et oh bah s'il y a, on écoute. Alors. Oui. S'il y a, on va écouter. Bon, alors, d'accord, on retrouve tout de suite les Soulmates en direct sur la scène. On va se marrer. Oui. Boy, girls, don't get hurt, can feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one. The good time call, phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three, three, one, two, three, one, two, three, three, three, one, two, three, one, two, three, three, three, one, two, one, two, three, three, three, one, two, one, one, two, three, three, three, one, two, one, two, three, three, three, one, two, one, two, three, three, three, thrown back to La Luz Cal. I'm gonna sweep from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna leap like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna sweep from the chandelier, from the chandelier. And I'm just holding on to the light, won't look down, won't look down. My glass keep my glass morning time, morning time, cause I'm just, holding on for tonight. Help me out, help me out for the love, won't look down, won't down my eyes. Keep my glass, keep my glass morning time, morning time, cause I'm just, holding on for tonight, on for tonight, on for tonight, on for tonight. And I'm just holding on for the love, cause I'm just holding on for tonight, on for tonight, on for tonight. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, one, two, three, three. One, two, one, two, three, three. One, two, one, two, three, three. One, two, one, two, three, three. One, two, one, two, three, three. One, two, one, two, three, three. Throw back. Till I lose count. Bravo, bravo. Merci, merci. Excellent. Excellent. Eh bien. Bravo.